Rivière reçoit le pilote du courrier d'Europe. « Vous m'avez fait une blague à votre dernier courrier. Vous m'avez fait demi-tour. Quand la météo était bonne, vous pouviez passer. Vous avez eu peur ?» Le pilote, surpris, se tait. Il frotte l'une contre l'autre, lentement, ses mains. Puis il redresse la tête et regarde Rivière bien en face. « Oui. » Rivière a pitié au fond de lui-même de ce garçon si courageux qui a eu peur. Le pilote tente de s'excuser. « Je ne voyais plus rien. » Bien sûr, plus loin, peut-être, la TSF disait. Mais ma lampe de bord a faibli, et je ne voyais plus mes mains. J'ai voulu allumer ma lampe de position, pour au moins voir l'aile. Je n'ai rien vu. Je me sentais au fond d'un grand trou, dont il était difficile de remonter. Alors, mon moteur s'est mis à vibrer. Non. Non ? Non. Nous l'avons examiné depuis. Il est parfait. Mais on croit toujours qu'un moteur vibre quand on a peur. Qui n'aurait pas eu peur ? Les montagnes me dominaient. Quand j'ai voulu prendre de l'altitude, j'ai rencontré de forts remous. Vous savez, quand on ne voit rien, les remous, au lieu de monter, j'ai perdu 100 mètres. Je ne voyais même plus le gyroscope, même plus les manomètres. Il me semblait que mon moteur baissait de régime, qu'il chauffait, que la pression d'huile tombait. Tout ça, dans l'ombre, comme une maladie. J'ai été bien content de revoir une ville éclairée. Vous avez trop d'imagination. Allez. Et le pilote sort. Rivière s'enfonce dans son fauteuil et passe la main dans ses cheveux gris. C'est le plus courageux de mes hommes. Ce qu'il a réussi ce soir-là est très beau, mais je le sauve de la peur. Pourtant, dans cette lutte, une silencieuse fraternité liait au fond d'eux-mêmes Rivière et ses pilotes. C'étaient des hommes du même bord qui éprouvaient le même désir de vaincre.